C'est un rendez-vous ce mercredi 11 novembre au Grand Théâtre de Québec. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Le Pied Bleu, bouchon québécois d'inspiration lyonnaise, c'est la cuisine traditionnelle française qui vous offre cochonaille, abats et tripes dans une formule gargantuesque. Le renard et la chouette, café et buvette, c'est une cuisine contemporaine suivant les saisons. Petits et gros plats à partager axés sur les légumes et les poissons. Deux lieux, même convivialité. Le Pied Bleu et le renard et la chouette, 179 et 125 rue Saint-Vallier-Ouest. 88 914 35 54. Menu sur piedbleu.com. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Cette année, plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. Good evening, ladies and gentlemen. C'est un rendez-vous. Le 14 novembre prochain, de 10 à 16 heures, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. 2$ l'entrée. I'm alright. I got problems. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'aérospatiale. Mon Dieu Seigneur, ça me fait drôle de dire bienvenue à l'aérospatiale. C'est Jean-Pierre Gay qui vous parle, je dirais l'arrière-grand-père de cette émission parce que depuis, il y a eu 3 générations d'animateurs. C'est donc avec plaisir que je retrouve ce micro où il est question d'art visuel et, comme je le disais à notre première chroniqueuse, CKRL est la radio, la seule radio qui ose mettre en onde un sujet comme l'art visuel sur ses ondes. Alors ce soir, nous recevrons, merci d'abord à Audrey Caro de me donner cette occasion de vous retrouver. Nous aurons ce soir en entrevue avec l'artiste Charles-Étienne Brochu, qui expose à l'œil de poisson dans la petite galerie jusqu'au 18, j'ai pas la date ici, mais je vous la donnerai tout à l'heure. On aura un entretien avec Anne-Marie Proulx, qui va de la galerie Vue, qui va nous parler de Jin-Yoon Kim et de Stéphanie Roland. Nous aurons les chroniques de Louane Bourdeau sur le Festival des films de métiers d'art et d'Andréane Lesage qui va nous parler de la fin de l'échange Québec-Nantes au lieu et à l'œil de poisson. À l'ambiance sonore, comme toujours, notre ami Simon Roy et au pitonnage, au bidouillage et à ce qui fait qu'on se rend jusque chez vous, Maître Jacques Gignac. Alors, on commence avec notre ami Andréane Lesage. Bonsoir. Bonsoir. Andréane, tu vas nous parler de deux projets que tu es allé voir au lieu et à l'œil de poisson. Oui. On commence par lequel des deux? On va commencer à l'œil de poisson, peut-être rapidement. Oui. Juste revenir un peu sur c'est quoi l'échange Québec-Nantes, mais tout rapidement parce que Lisanne Lado en a déjà parlé dans l'émission du 27 octobre dernier. Mais donc, c'est une initiative de manif d'art qui consiste en un échange des artistes de la ville de Québec avec ceux de la ville de Nantes. Donc, le premier volet s'est déroulé au printemps dernier où des artistes québécois sont allés présenter des œuvres à Nantes. Et maintenant, cet automne, c'était au tour des artistes nantais de venir à Québec. Donc, à l'œil de poisson, dans la Grande Galerie, bien, il y a une exposition d'Oël Duret, un très jeune artiste, mais qui connaît un début de carrière assez intéressant. Mm-hmm. Donc, lui, c'est le Nantais. Oui, c'est un Nantais, tout à fait, un Nantais. C'est vrai qu'avec un prénom comme OL, c'est rare ici. Tout à fait. Donc, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui lorsque je suis passée au vernissage de l'exposition. Et j'étais contente de pouvoir lui parler parce qu'honnêtement, là, à première vue, c'était un peu complexe, en fait, de comprendre comment étaient reliés les 3 groupes d'œuvres qui étaient présentés dans la salle. Tout d'abord, il y avait un vidéo de projeter sur le mur là, dès l'entrée. C'est un vidéo en fait, qui a été tournée au Cambodge, à la ville de Kep, qui est une ville de villégiature, mm-hmm. en fait, une ancienne ville mm-hmm. de villégiature durant l'Indochine, donc la période coloniale française du Cambodge. Où le grand architecte Corbusier était intervenu dans le paysage, évidemment. Tout à fait, c'est en plein ça. Donc, c'est on voit dans la vidéo des espèces de squelettes de maisons. C'était des villas construites justement par le Corbusier et ses élèves. Donc, de l'architecture tout à fait moderne, mais dans la jungle cambodgienne. Mm-hmm. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du régime colonial, c'est le régime communiste qui a pris le pouvoir et qui a décidé de faire sauter les plafonds et les planchers de ces villas pour qu'elles soient inhabitables. Mm-hmm. Donc, ça explique un peu là, l'aspect justement. Ça mettait ruine. Fin au régime aussi. Là. C'était un geste éclatant pour mettre fin au régime. Tout à fait. Et aujourd'hui, mais ça a même une fonction esthétique. Finalement, c'est assez curieux mm-hmm. de voir comment la nature a repris le dessus hein, dans cette architecture-là, très, très moderne, mm-hmm. en béton, tout ça. Et c'est ce qui intéresse d'ailleurs Oel Duret, c'est le lien qui existe entre les trois projets qu'il présentait là, dans son exposition intitulée « Un confort sans fin ». C'est comment justement... En fait, l'architecture ou l'esthétique plutôt d'après-guerre se retrouve dans des endroits complètement exotiques. Mm-hmm. Donc ça, c'était le premier exemple. Une vidéo d'ailleurs qui est très esthétique. Lumières, des ralentis, vraiment des très belles images, très fortes. Ensuite, on avait un groupe de photos sur toile de grand format, dont une qui était accrochée au mur du fond et c'est différentes photos-là, en fait, représentaient des détails de photos qu'il a pris donc dans un jardin assez étrange en Inde. C'est le Rock Garden, mm-hmm. qui est à Chandigarh, donc une ville qui a été, elle aussi, construite par le Corbusier. En fait, c'est lui qui a mis la main finale sur les plans de cette ville-là, construite tout de suite après l'indépendance de l'Inde, donc en 1947, dans ces eaux-là, l'indépendance. Et ensuite, eh bien... Il y a un artiste du nom de Nek Chand Shaini, qui est un artiste autodidacte indien, qui a décidé d'utiliser les rebuts de la construction de la ville pour construire le Rock Garden. Donc, mm-hmm. c'est finalement un jardin un peu curieux, puisqu'il est construit à partir de matériaux usinés, des matériaux étrangers. Ça fait curieux comme jardin, ça fait un jardin oui. plutôt froid. Là. Eh bien, effectivement. Puis je pense que sa croissance au jardin aussi, elle est un peu limitée, puisque c'est des matériaux qui ne croîtront pas avec le temps, si ce n'est qu'ils vont se détériorer. Non, mais en même temps, j'ai été surprise, je suis allée voir plusieurs photos sur Internet, mm-hmm. tu sais, parce que là, on a dans l'exposition seulement des détails, et il y a quand même beaucoup de végétation d'inclus là-dedans, et c'est assez intéressant, et même des cascades... Mm-hmm. mais qui coule justement sur des murs faits à partir de prises électriques qui doivent coller les unes sur les autres ou des matériaux comme ça. Donc là, on a vraiment l'effet inverse finalement du vidéo de Kep, c'est-à-dire que où on avait la nature qui reprenait le dessus sur l'architecture plus moderne, bien là, on a l'architecture moderne, c'est ça, qui s'inclut, qui s'invite. S'impose même, effectivement, dans le paysage, oui. Et dernier projet, c'est un petit vidéo qui montre un camion transportant des planches de placoplâtre qui mm-hmm. sont emballées dans une espèce de plastique blanc et bleu. Mais l'empilement de ces planches-là crée une illusion optique et Oel Duret a transposé cette illusion-là qu'on voit très bien dans le vidéo sur une toile qui est accrochée à côté dans la salle d'exposition et ça donne l'impression d'une peinture complètement moderne. Puis on a même l'impression, quand on voit d'abord la peinture en premier, on a l'impression que c'est cette peinture-là qui voyage à l'arrière du camion. Tout à fait, oui. On a l'impression que ce camion-là transporte la peinture qui est sur le mur à côté, alors que c'est l'inverse. Oui. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est assez surprenant. Puis ça prenait l'explication, d'ailleurs, pour bien comprendre qu'est-ce qui venait avant quoi, qu'est-ce qui avait inspiré ça, finalement. Et ce camion-là, voyage en Arizona, dans le désert. On voit les grandes montagnes, tout ça. Donc, encore là, un lieu complètement exotique pour retrouver une peinture qu'on verrait dans un musée comme au MoMA, par exemple. Très contemporaine. C'est ça. Peut-être passer tout de suite à la deuxième exposition. On reviendra si on a plus de temps, mais c'est une exposition au lieu, donc la double exposition de Béatrice Dakar et de Michel Gerson. Juste avant qu'on passe à celle du lieu, on va rappeler tout de suite que l'exposition de Noël Duret à l'œil de poisson, tout comme le reste des expos à l'œil de poisson, c'est jusqu'au 29 novembre. Donc, on a encore le temps en masse d'y aller. Là. Tout à fait, oui. Okay. Puis allez-y. Alors, on se transporte maintenant sur la rue Dupont, au lieu. Oui. Oui. Pour cette double exposition qui est assez particulière aussi, on est plutôt dans un art conceptuel ou justement plus social, interactif du moins, parce qu'on a deux artistes qui ont qui sont un couple et qui ont des démarches complètement différentes, même s'ils ont certains objectifs communs, notamment ces deux artistes qui travaillent à Nantes et qui ont cofondé le collectif AIR qui s'occupe justement de promouvoir, diffuser toutes sortes de projets artistiques. AIR, comment tu l'écris? C'est AIR comme l'air? Non, comme la lettre R, mais il y a une barre de soulignement qui suit. OK. Donc je sais pas comment il faut prononcer, mais j'ai collectif AIR barre de soulignement et donc ces artistes là ont présenté des œuvres dans l'espace. Pour ce qui est de Béatrice Dakar, eh bien, elle présente des projections sur des mouchoirs en tissu. Il y en a deux. Donc, il y en a un premier qui est assez petit, carré, suspendu dans les airs. Il flotte littéralement. Et dessus, le film qui est projeté, c'est une bouée dans la Loire qui semble traînée par un bateau, ou en tout cas, elle est... elle flotte dans les remous. On a l'impression qu'elle est en mouvement, alors qu'elle est statique, mais c'est le courant, c'est dans le courant, fond. C'est ça. Donne l'impression du mouvement. Voilà, puis on comprend pas trop. Ça pourrait être tiré par quelque chose parce que la vidéo coupe. Donc, on n'a pas comme ça d'indices sur ce qui se passe. Et c'est une vidéo qui présente seulement ça, le mouvement de cette bouée sur l'eau. Et on a au fond de la pièce, cette fois, un plus grand mouchoir en tissu où là, on a un autoportrait. C'est l'artiste qui pose assis sur une chaise. Tout est blanc. Elle est elle-même vêtue de blanc aussi. Et au départ, la vidéo est très, très floue. Donc, on comprend pas trop ce qui est représenté, et plus on regarde, plus l'image devient détaillée finalement, et on reconnaît les traits de l'artiste. Pour ce qui est donc de Michel Gerson... Est-ce qu'il y avait des titres sur ces œuvres-là? En fait... Moi, j'ai pas remarqué, j'ai pas vu les titres. Non, j'ai pas vu de titres, mais par contre, le projet, lui, s'appelle... Attendez un peu, j'ai ça... Au-delà du mouchoir? Au-delà du mouchoir, voilà. Okay. Donc, ça fait partie d'une série... Donc, et pour ce qui est de Michel Gerson, eh bien, c'est un artiste qui travaille actuellement des cartes cognitives, c'est-à-dire des graphiques. Donc, il part d'un mot et inscrit là une suite d'idées et les relie ensemble. Et ça donne comme si on avait sa pensée finalement illustrée devant nous, mais par justement des mots-clés comme ça. Ça ressemble à une espèce d'organigramme institutionnel quand les gens dans les ministères, là, les grands organismes gouvernementaux font des organigrammes. Ou encore des schémas d'un concept quelconque, d'où il provient. Il y a quelque chose de relationnel un peu là-dedans, comme le chemin pour en venir à aujourd'hui, quelque part. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis il y en avait deux, donc, de présenter dans l'exposition. Bien, Andréane, cette exposition au lieu, elle est jusqu'au 15 novembre? Jusqu'au 15 novembre, oui. Donc, il reste quelques jours encore là, pour aller la voir. Ben merci d'être passé par chez nous. Mais ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. À la prochaine. Alors, on s'en va en pause audio tout de suite avec une pièce d'un artiste qui s'appelle Anthony Robert. Et je vais laisser à Simon, qui va nous venir au micro, le plaisir de nous présenter le titre de cette pièce-là. Alors, Maître Jacques. Hey, Simon Roy, salut. Salut. Hey, on se croirait au ciel. Ben oui, quasiment. Ça n'a rien à voir avec les shops qu'il y a autour ici. Ben non, c'est ça. C'est un artiste qui fait du field recording. C'est okay. Anthony Robert. Mm-hmm. J'ai aucune idée qu'est-ce que cet homme fait. Il est totalement invisible sur les internets. J'ai même communiqué avec l'étiquette, puis j'ai pas eu de réponse encore. Mais c'est un type qui fait du... Donc, c'est comme un personnage. C'est quelqu'un qui joue à l'inconnu, peut-être? Non, peut-être. Qui peut-être pas à la page non plus. On le découvrira, on fera... Parce que ce qu'on entend, là, c'est quand même majestueux. Là. Ça semble être un orgue, un grand orgue, mais c'est peut-être pas ça, je non, sais. Non, c'est ça. Lui, il joue d'aucun instrument. Il fait du field recording. Donc, il s'est présenté au Lifeline Festival. C'est un festival qui se passe à Berlin. Mm-hmm. C'est à la Maison de la culture des mondes. Donc, je vais vous épargner le titre en allemand de la place, mais c'est une place qui... c'est un musée d'art contemporain. Donc, il y avait des installations. C'était pour l'artiste Hans Joachim Rodelius. Mm-hmm. C'est un artiste qui jouait dans le groupe Harmonia dans les années 70 puis qui a beaucoup influencé David Bowie, Brian Eno. Hein? Puis donc, il y avait une rétrospective autour de cet artiste-là. Donc, lui se rendait donc en métro. On entend des petits bouts en métro. Et ensuite de ça, il prenait des enregistrements des installations, des concerts, puis de la rétrospective. Puis, c'est du gros sound design. Là, OK, là, il retravaillait ces pièces-là, puis il les remasterisait, il les jouait autrement. C'est ça. Il compressait. Du gros travail sonore. Comme il dit, il joue d'aucun instrument. Donc, des fois, on peut entendre un peu de... Ouais, d'accordéon, mais c'est quelqu'un qui joue dans la rue. Donc, on ne sait jamais si ça vient de la rue ou si ça vient de l'installation. De la source. Ouais. Tout a été mélangé. Ça, c'est donc sur l'étiquette Hazard Records, une étiquette vraiment intéressante qui date de 98. Eux autres, ils ont commencé en distribuant leur musique sur des CD copiés qu'on utilise à la maison. Puis maintenant, c'est ça, c'est seulement sur Internet et ils publient tout dans le domaine public. Donc, les artistes perdent automatiquement tous les droits sur leur sur leur truc. C'est donné dans le domaine public, donc on peut réutiliser leurs pièces. Ils ont déjà 87 albums à leur actif. C'est une étiquette qui vient de Barcelone en Espagne. Donc, une étiquette vraiment intéressante, plein de trucs expérimentaux, d'autres plus normaux. Donc, je pense que c'est une étiquette qui vaut la peine, puis tout est gratuit, donc c'est vraiment intéressant. Simon, il me reste une couple de minutes. Là, peux-tu nous parler des trois pièces que tu vas faire jouer ce soir? Parce que, évidemment, tu vas nous quitter après ce petit micro. C'est ça, les pièces, ben c'est les titres des pièces, c'est des noms de stations de métro. C'est le métro aérien à Berlin, le S-Bahn. J'avais pas dit le nom de l'album, c'est Seven Berlin S-Bahn Station on the way to listen to Hakim. Donc, c'est un titre assez long. La première pièce qu'on a entendue tout juste avant ma petite chronique, c'est Ostkreuz. Mm-hmm. Puis ensuite de ça va être Ostbahnhof. Mm-hmm. Il y a Alexanderplatz, puis on finit avec la dernière pièce Hacker Markt. Donc, c'est ça. Puis moi, ça me rappelle un peu des souvenirs. J'ai passé un peu de temps à Berlin, puis les sons de métro, puis tout ça me replongeait dans l'ambiance. Ben, tant mieux. Ben, merci, Simon. On va écouter ça encore attentivement. D'ailleurs, on a une autre pièce là, dont tu nous parlais, là, Ostbahnhof. Oui. OK. Alors, merci, à la prochaine. Merci. Thank you. Alors, nous sommes en présence de, d'Anne-Marie Proulx, directrice artistique de Vue, Centre artistique de Québec, sur la photographie. Exactement. Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir. Tu vas nous parler, Anne-Marie, de deux artistes qui présentent actuellement des expositions photo, mais plus que des expos de la photo. Il y a du film, il y a un petit peu d'installation. Des expositions multidisciplinaires dans lesquelles il y a de la photographie. Parti. Oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, à Vue, en ce moment, on présente les artistes Jin Young Kim et Stéphanie Roland, qui présentent deux expos autour de l'univers de la famille, donc de façon très différente. Jin Young Kim l'approche de façon autobiographique, donc elle raconte l'histoire de sa famille. Et Stéphanie Roland, elle s'intéresse plus à la famille comme un symbole à utiliser pour penser à la manière de représenter la famille, les formes de représentation. Donc, il y en a une qui puise plus dans ses souvenirs de famille, je dirais même dans l'espèce de résidence familiale. Tu sais, il y a vraiment des références très concrète là, dans ce qu'elle fait, tandis que l'autre, c'est plus théorique. Là. Oui, en fait, l'expo de Jin Young Kim, le titre, c'est « Après le pont où se rencontrent les rivières ». Ça, c'est le lieu où se situe la maison. Exactement. Okay. Et la première chose qu'on voit quand on rentre dans l'exposition, c'est la photo de la maison qui est située en Corée du Sud. Jin Young Kim, elle vient de Montréal, mais elle s'est intéressée à retourner à la maison de son grand-père en Corée du Sud. Mm-hmm. Donc, toute l'exposition tourne autour de cette maison-là, qui est le lieu de son origine familiale. Est-ce qu'elle était jamais allée dans son pays? Oui, elle était déjà allée, en fait. Toute petite, j'imagine, parce qu'elle avait des souvenirs vagues. Non, elle avait des souvenirs quand même clairs, mais ce retour-là en Corée du Sud, c'était vraiment une manière d'explorer le lieu de ses origines comme dans le cadre de sa pratique artistique. Donc, c'était pas seulement d'y retourner pour voir sa famille, mais d'en faire un projet artistique. Donc, d'en faire un sujet de travail. Exactement. Okay. C'était plus que juste sa filiation là, avec son grand-père. C'était l'idée d'utiliser cette matière-là pour que ça devienne une œuvre d'art ou des œuvres d'art. Oui, puis une réflexion aussi sur son histoire personnelle par rapport à l'immigration. OK. Alors, ça donne quoi quand on arrive? Donc, il y a cette première photo qui nous présente un peu le cœur de l'exposition. Mm-hmm. Et ensuite, il y a un texte qui est situé juste à côté de cette photo-là qui décrit un peu le parcours qu'il faut prendre pour se rendre à la maison et pour rentrer à l'intérieur de la maison. Mm-hmm. Ensuite, on a une sélection d'images d'une première série qu'elle a fait au moment d'un premier voyage pour ce projet-là, où elle est allée jusqu'à la maison avec son grand-père, avec son père et son grand-père. Et dans cette série-là, elle joue plutôt le rôle de l'observatrice. Donc, elle va voir comment ça se passe, la rencontre entre son père et son grand-père. Mm-hmm. Et c'est au moment de son deuxième voyage, où là, elle est allée vraiment toute seule, sans que son père l'accompagne, qu'elle a pu vraiment faire des interventions artistiques sur le site de la maison. Puis, est-ce qu'elle a fait ces deux voyages-là dans un grand écart de temps, dans le sens où elle s'est donné le temps de réfléchir, de brasser la matière première qu'elle avait, puis non? Ben, en fait, je sais pas exactement le temps que ça a pris d'un voyage à un autre, mais c'est sûr que les moments où elle peut pas être à la maison, c'est où ça fait partie de toute sa réflexion, parce que dans le fond, c'est un lieu très important pour son identité, pour comment elle se comprend comme personne, mais elle a pas accès à cette maison-là en tout temps. Donc, il y a toujours l'idée de retrouver la maison, mais de la retrouver seulement pour un certain laps de temps. Elle a pas l'occasion d'y être sur une longue période, donc de créer une réelle relation avec cette maison. Donc, son deuxième voyage l'a amené à aller plus loin dans sa réflexion. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle retient de ces deux voyages-là particulièrement? Bien, dans le deuxième voyage, elle a pu passer de l'observatrice à l'artiste qui fait une intervention. Donc, elle a pris des objets qui étaient à l'intérieur de la maison, qu'elle a transportés sur le toit de la maison. Et elle en a fait des installations temporaires, éphémères. Donc, elle a pris des objets qu'elle a placés dans différentes configurations et qu'elle a ensuite photographiés. Donc, son intention, c'est pas nécessairement de faire des installations qu'elle va ensuite transporter en galerie. C'est les objets, ils doivent rester à la maison. Donc, sa manière de les transporter en galerie, c'est de les photographier. C'est de les photographier, OK. Et ça, il y en a plusieurs comme ça. Il y en a au moins 5-6 là, de ce type-là. Il y a aussi une ou deux vidéos, s'il y a deux, si je me rappelle bien. Il y a deux vidéos. Il y a deux vidéos. Il y en a une qui est projetée au mur, mm-hmm. où c'est une observation à l'intérieur de la maison. On voit des coins de la maison, des objets qui appartiennent à sa famille. Et c'est dans le fond les objets qui sont transportés sur le toit. Puis, si je peux rajouter une chose par rapport à ça, c'est que elle avait l'intention au départ de faire une intervention avec les objets, mais elle s'est pas sentie à l'aise de faire l'intervention à l'intérieur de la maison parce qu'elle voulait pas déranger cet espace-là qui existait déjà. Donc, en transportant les objets sur le toit, ça lui a permis de respecter l'univers qui avait à l'intérieur de la mm-hmm. maison. Okay. On va passer, et donc tout ça, puis il y a aussi une sorte de structure qui est en plein milieu, qui reprend le cœur de la maison. Oui, c'est une maquette de la maison. Une maquette en béton. On va aller à Stéphanie Roland, oui. qui elle est dans la petite salle, j'oublie toujours son nom. Là, mais L'espace européen. L'espace européen. Une exposition qui s'intitule « Trous noirs et rituels familiaux ». Donc, on est encore dans la famille, comme tu le disais. Oui. L'idée de la famille qui était... Mais de façon plus théorique cette fois-ci. Oui, bien en fait... C'est que dans le fond, Stéphanie Roland, c'est une artiste qui aime relier l'univers des arts visuels avec d'autres univers comme celui du cinéma, mm-hmm. De la psychologie, de l'astronomie, de la science. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches pour son intérêt personnel, puis elle intègre ça dans sa manière de créer les images. Mm-hmm. Ça donne quoi, pratiquement? Donne-nous une couple d'exemples. Bien, à vue, ce qu'elle présente, c'est un corpus d'images autour du symbole du mariage. Mm-hmm. Donc, elle a utilisé différents objets comme un voile de mariée, une représentation d'une église. Elle a aussi intégré des grains de riz dans une image en référence aux grains de riz qu'on lance aux mariés mm-hmm. au moment du mariage. Mais tous ces objets-là, elle les transforme pour qui évoque autre chose. Donc, a priori, quand on rentre dans l'exposition, on sent pas nécessairement l'univers du mariage. C'est seulement des éléments qui ont été pris et transformés et qui deviennent un autre univers complètement. Donc, dans le cas de l'exposition, c'est teinté par la couleur bleue. Toutes les images ont un bleu assez particulier. Et tout ensemble, ça crée un univers un peu de la science-fiction. Donc, mm-hmm. on ne sait pas trop exactement où on se situe. Il y a quelque chose d'un peu mm-hmm. troublant, dramatique. Comme si le mariage était une fiction. Ouais. Ben, écoute, Anne-Marie, merci d'être passée. On est presque rendu à la pause publicitaire. Mais c'est vrai, Jacques me disait avant l'émission que j'ai perdu l'habitude. Là, il n'y a pas de pause publicitaire. Mais on va se faire une petite pause sonore. De thème, et puis merci Anne-Marie. Et je souligne que cette exposition-là, elle est chez vous, de même que l'autre, jusqu'au 22 novembre. Exactement. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On fait le thème et on revient avec Charles-Étienne Brochu. We'll be right back. Alors, deuxième demi-heure de l'aérospatiale, Jean-Pierre Gay avec vous, en remplacement d'Audrey Caro et Jacques Gignac à la mise en onde. C'est avec plaisir qu'on reçoit un artiste, un grand artiste de Québec. Littéralement. Charles-Étienne Brochu, qui présente actuellement une exposition dans la petite galerie à l'œil de poisson qui s'intitule « Heureux ensemble ». Salut Charles-Étienne. Salut Jean-Pierre. Charles-Étienne, c'est un grand artiste, mais c'est effectivement un artiste physiquement très grand, mais qui travaille dans les petites choses. Moi, ça me fait penser à Pierre-Luc Brouillette. Je sais pas si tu as connu Pierre-Luc. Pierre-Luc qui est sorti de l'Université Laval il y a quelques années, qui était un grand, tout comme toi, mais qui faisait des petites sculptures, toutes une petite minuscule. Et toi, tes œuvres sont de grandes œuvres. De façon, des grands tableaux. Par contre, ce sont des petits bonhommes qu'on voit dedans. Donc, il y a encore cette espèce de rapport un peu d'échelle du grand au petit. Tout à fait. Écoute, moi, le plaisir que mon exposition, c'est une exposition de dessin, comme tu l'as dit. Puis, le plaisir que j'ai de dessiner, là, c'est quand même de mettre plein d'histoires, en fait. T'sais, j'aime ça passer du temps sur un même dessin. J'aime vraiment ça, prendre le temps de concevoir toutes sortes de choses, toutes sortes de petites scénarios qui sont à l'intérieur d'un plus grand dessin, mais comme tu dis, effectivement, il y a vraiment beaucoup de détails. Là. On parle de, par exemple, un dessin qui va être probablement la pièce maîtresse de l'exposition. On parle d'à peu près 250 personnages avec une ville d'à peu près peut-être une quinzaine de bâtiments. T'sais, on parle vraiment d'une petite ville. Il y a beaucoup de choses dans tes dessins, puis et c'est souvent sur fond noir avec les dessins sont en couleur. C'est très coloré, il n'y a pas de nuances, hein, c'est très cru, des couleurs. Absolument, c'est très vif, c'est des couleurs très extrêmement vives. Puis assez qu'on a l'impression que c'est fait par ordinateur. Ben, c'est fait par ordinateur. C'est ce que j'ai réalisé. Je m'étais dit, ben voyons, on dirait que c'est fait à l'ordinateur. C'est Audrey qui m'a dit, ben oui, c'est fait à l'ordinateur. Excellente observation. Tout à fait. Alors, pourquoi ce titre, Heureux ensemble? Ben, c'est une bonne question. Premièrement, ça me tentait tout simplement d'avoir une démarche optimiste, parce que j'ai l'impression que des fois en art contemporain, c'est un peu facile de tomber dans... Pas nécessairement un peu facile, mais... On a parfois l'impression que parler de choses sérieuses ou parler de critiques, c'est un peu quelque chose qu'on voit souvent dans les expositions. Puis j'avais envie d'avoir une démarche positive. Puis en même temps, j'étais un peu jaloux des chanteurs populaires qui se permettent d'avoir des chansons qui parlent de sujets super simples, super légers. Puis qui, tu sais, comme d'amour ou n'importe quoi. Oh, oh, j'aime ça lire un livre, que ce soit, il y a un sujet, tu sais, pas intellectuel. Ben, c'est pas une question d'être intellectuel ou pas, là. Mais tu sais, d'avoir un sujet, dans le fond, simple, puis qui rejoignent tout le monde. Puis j'avais envie, donc, de partir sur une espèce de thématique assez... tout en simplicité, en fait. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui me touche, puis qui serait assez inspirant pour faire une exposition? J'ai décidé de parler, donc, de... Le thème de l'exposition, c'est les relations, en fait. Puis, ben, après... Parce que ce que tu présentes, essentiellement, mis à part le fait que certaines toiles soient contextualisées, là, par exemple, dans une ville, une piscine ou une forêt, il y a des œuvres qui sont absolument pas spatialisées. Tout à fait. Mais c'est ce qui ressort, c'est les personnages. C'est le monde. C'est le monde qui t'intéresse, c'est les personnages dans des situations un peu loufoques, qui sont pas nécessairement... C'est pas dramatique, mais il y a un drame... Un peu subversif. Il y a quelque chose qui est juste à la limite là, du sensible. Puis mais en même temps, il y a... Les couleurs font que tout ça est pris de façon très ludique. Il y a quelque chose de très paradoxal parce qu'on sent que derrière ces images-là, il y a des drames qui peuvent se jouer, puis ils s'en jouent. D'ailleurs, il y en a quelques-uns. Tout à fait, absolument. Au nombre de personnages qu'il y a, ils ne sont pas tous heureux. Puis, effectivement. On en voit qu'ils ne sont pas heureux. Mais la façon de présenter le type de dessin que tu présentes, bien, on n'a pas l'impression que c'est malheureux, qu'il y a du malheur dans ça. C'est joyeux, c'est festif. Ben, c'est une excellente analyse. Je ne peux qu'abonder dans ton sens, Jean-Pierre. Mais en fait, je pense que tu sais, le traitement ludique et coloré, ça, c'est vraiment mon plaisir de dessiner. En fait, j'aime ça. Quand je dessine, j'aime vraiment ça, que mon dessin soit festif, que mon dessin soit joyeux, puis qu'il soit agréable à voir, puis que les gens entrent, puis qu'il y ait un sentiment positif en voyant un dessin. C'est quand même quelque chose que j'aime ça, dessiner. Tu sais, je ferais ça à journée longue. Puis quand je travaille longtemps sur un dessin, quand même, j'ai envie, ou pas nécessairement j'ai envie, mais tu sais, je sens quand même que, ben, tu sais, pour être, pour que le dessin soit plus... Parlant, exactement. Oui. Ben, tu sais, j'aime ça faire plein d'histoires, puis les histoires sont contradictoires, en fait, puis j'ai l'impression que, tu sais, le monde fonctionne un peu comme ça, il y a des histoires qui sont belles, tu sais, les gens, mettons... joue au baseball, c'est super sympathique, c'est joyeux. Puis en même temps, ben, à côté de ça, il y a un appartement où est-ce qu'il y a quelqu'un qui se chicane. Ah, il y a de la bataille, il y a des coups de poing qui se donnent. Des coups de pied derrière. Exact. Puis c'est ce que j'essaye de faire dans un dessin où est-ce que je passe beaucoup de temps. J'essaye de... Mais en même temps, tu sais... Puis toi, ce qui t'intéresse, est-ce que c'est l'ensemble ou c'est le détail? Tu sais, je connais des gens, moi, pour qui aller voir une œuvre d'art, c'est commencer dans le petit, puis de la voir de façon grande par la suite. Puis il y en a qui la voient déjà très grande, puis ils la travaillent en petit. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien voir une grande œuvre d'abord, puis après ça, je vais la fouiller. Mais j'ai des amis avec qui je vais avoir des expositions, tout, ils ont le nez collé sur l'œuvre, puis ils voient tous les petits détails, puis après ça, ils se reculent. Toi, ton approche par rapport à ça, c'est est-ce que c'est l'approche du nez collé dessus, puis après ça, tu recules? Ben, je te dirais que généralement, ben, surtout, je suis un dessinateur, ça fait longtemps que je dessine, j'ai souvent une image assez globale de mon œuvre, je sais à peu près où je m'en vais. Puis, je te dirais, tu sais, je travaille sur l'ordi, hein. Puis, ben, tu sais, ceux qui savent un peu comment ça fonctionne Photoshop, Moi, je sais pas comment ça fonctionne. C'est ça. Ben, on est constamment en train de. J'essaie de trouver le mot français, on va le dire en anglais, zoomer. De me rapprocher de l'image. Faire une mise au point, exactement. De te rapprocher. Exactement. Puis je suis constamment, en train de faire les deux pour avoir mon image de plus loin puis mon image de plus proche. Tu fais du zoom in puis du zoom out. Exactement, constamment. Puis je te dirais donc que c'est super dur pour moi de dire qu'est-ce qui vient avant l'autre. Je pense quand même que d'abord, j'ai une idée peut-être plus générale de mon dessin. Il y a toujours une catastrophe. Il y a toujours du feu dans tes... Il y a de l'eau aussi. Et à chaque fois que je mets du feu, il y a quand un camion de pompiers pas loin. Parce que tout le temps. Je fais vraiment attention, en fait. Pour de vrai, là, il y a quelques personnes qui me font la remarque que non, mais t'es pyromane. Parce qu'effectivement... Non, j'ai pas pensé à ça. Non. C'est dans les éléments naturels, il y a le feu et l'eau qu'on retrouve. Ouais, effectivement, c'est les deux seuls éléments naturels qu'on retrouve. Puis, parce que je trouve qui m'ont marqué parce qu'ils sont présents dans chacune des... C'est vrai. Et puis là, je me disais, ouais, il y a les deux. Donc, l'aspect contradictoire du grand et du petit, ouais. Puis du feu et de l'eau sont importants. Exactement. Écoute, on peut pas se laisser sans parler de ton travail de coordonnateur auquel tu viens d'arriver à l'œil de poisson. Ben, exactement. T'as gagné les deux gros lots, si je comprends bien. C'est en plein ça l'année passée. J'ai envoyé, je dis ça à tout le monde, j'ai envoyé mon dossier pour exposer à l'œil. Pour moi, c'était super symbolique parce que c'est un centre que j'aime vraiment beaucoup depuis que j'ai fait mes études au baccalauréat. Puis c'est un centre que je regardais du coin de l'œil en me disant, j'aimerais tellement ça un jour exposer à l'œil. Fait que l'année passée, j'ai décidé d'envoyer mon dossier. Puis en même temps, il y a eu un poste qui s'est ouvert comme coordonnateur. Fait que j'ai envoyé mon CV là aussi. Puis j'ai eu les deux en même temps. J'étais vraiment, ça a été un bel automne. Bel automne, on va souhaiter un bel hiver, Charles-Étienne. Merci beaucoup d'être passé. Moi, j'invite les auditeurs à aller faire leur tour à la petite galerie de l'œil de poisson, puis profitez-en pour aller voir aussi la grande galerie. Donc, Charles-Étienne et Brochu est là jusqu'au 29 novembre avec son exposition « Un ensemble heureux ». Moi, je trouve que c'est un ensemble qui est heureux. Ben, je te laisse le renommer, c'est parfait. Alors, on fait une petite pause audio et au retour, ben, ça va être la chronique de Louane. Alors, c'était Anthony Robert, une pièce que je laisserai à Simon de vous donner le nom la semaine prochaine. Et on va enchaîner avec notre chroniqueuse, Louane. J'ai perdu ton nom. Louane Bourdeau. Bourdeau. Alors, Louane Bourdeau, tu vas nous parler du Festival des métiers d'art. En fait, je veux parler du Festival de films sur le métier d'art, donc Festival international du film sur les métiers d'art, qui a eu en fait semaine dernière. OK. Donc, c'est terminé, mais... Oui, c'est terminé, mais je vais vous parler, en fait, de ce qu'on y a vu et aussi de l'événement en général. En fait, ça existe déjà depuis longtemps. Si je me trompe pas, c'est la 9e... Oui, c'est ça, la 9e édition du festival qui a eu lieu cette année. Donc, normalement, les années dernières, c'était au Musée national des Beaux-Arts que ça avait lieu. Cette année, il y a eu un petit changement. C'était le Musée de la civilisation qui nous a présenté les films. En fait, cette année, pour ceux qui ne le savaient pas, 2015, c'est l'année canadienne des métiers d'art. Donc, le Musée de la civilisation a voulu marquer l'événement. Et en fait, ça allait aussi en lien avec la prochaine exposition du Musée de l'Amérique francophone qui s'appelle Mutation, qui va traiter des métiers d'art au Québec depuis 1930. Ça va ouvrir le 25 novembre. C'est une vieille... Depuis 1930, mais c'est parce qu'eux sont documentés depuis ce temps-là, parce que les métiers d'art, c'est un... Oui, c'est ça. Les métiers d'art, ça existe depuis... 1930. Oui, depuis plusieurs milliers d'années, en fait. Donc, c'est ça, en fait, le festival du film a lieu vendredi, samedi et dimanche dernier. Donc, en fait, les métiers d'art, comme vous l'avez dit, ça existe depuis très longtemps. C'est vraiment l'idée du travail de la main, du travail manuel, qu'on parle de textile, de sculpture, de verre, de céramique, c'est quand même assez varié. Et donc, le Festival du film, lui, cherche vraiment à nous plonger dans cet univers de travail-là, dans l'atelier, mais aussi dans l'espace de création, dans l'espace mental des artisans. Il y a des propositions qui sont quand même assez variées. On parle de documentaires, d'animations, de films expérimentaux. Donc, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Est-ce que ce type de festival de films sur les métiers d'art, ça permet, par exemple, de constater ou de se rendre compte que les gens qui pratiquent ces métiers-là, c'est aussi des artistes, c'est pas juste des artisans? Non, pas du tout. En fait, on s'en rend très bien compte. Les métiers d'art, ça reste surtout une maîtrise manuelle. C'est certain que les gens ont des techniques particulières, mais il y a vraiment une réflexion derrière chacune des œuvres qui vont être produites. En fait, pour moi, personnellement, métier d'art et art en général, ça peut être difficilement séparable. Ça fait partie de... C'est en fait deux catégories de la même chose pour moi. Et ben ça le montrait bien aussi dans les films qu'on a vus. Donc en fait, le festival en tant que tel à Québec présentait environ une dizaine de films sur la trentaine qui a été présentée à Montpellier, parce qu'il faut savoir que donc c'est un festival international, ça a lieu autant en France qu'au Québec. Donc on a une dizaine de films. Il y a en fait les 5 prix du Festival de Montpellier qui ont été présentés, plus 5 coups de cœur de la Maison des métiers d'art. Et puis cette année, donc... Qui avait choisi ces films-là ici? J'ai pas le nom de... Il y a quelqu'un caché qui avait... Oui, c'est ça. Il y a un responsable de la Maison des métiers d'art qui a vraiment fait une présélection. Ils ont pris le temps de regarder la plupart des films. Puis la Maison des métiers d'art, vous le savez sans doute, dans le quartier Saint-Roch, donc il y a des cours en sculpture, en céramique et en textile. Donc il y a eu vraiment une attention particulière pour choisir des films qui représentaient bien ces techniques-là, justement. Pratique. Exactement. Donc, mais je peux vous parler un peu. Moi, j'ai pas assisté à la soirée d'ouverture, malheureusement, qui présentait Renoud, j'espère que je le prononce bien, mon sculpteur, en fait, qui était le film gagnant du prix contemporain, donc film sur la création contemporaine en métier d'art, et qui a été aussi le prix du public de l'édition de 2014. J'ai plutôt assisté à la journée de samedi. Donc, Allons-y. Parfait. On va se refaire un petit samedi. En fait... le premier film dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est Big. c'est le nom, c'est le titre. C'est pas seulement un gros film. Donc, c'est un tout petit documentaire, 6 minutes, qui traite en fait du travail du verre. Puis, donc, c'est un artiste verrier qui s'appelle Jérémy Winterberg qui réunit une équipe qui vient des quatre coins du monde. Leur but, c'est de tenter de souffler la plus grande pièce dans le fond, faire un record. D'où l'idée du big. Du big, okay. Exactement. The big one. Exactement. Et puis, le créateur, le Verrier, qui a eu cette idée-là, en fait, combattait un cancer au même moment. Donc, il y a vraiment toute cette idée de chercher à se dépasser qui est présente dans le film. Et dans ces 6 minutes-là, on voit quelquefois où l'équipe travaille, on voit qu'ils sont concentrés, qu'il y a un effort physique qui est vraiment présent et la pièce se casse. Et ça, pour quiconque a travaillé, oui, on entendait aussi... Ça, c'est la grande déception. Oui, c'est la grande déception, mais ça fait partie aussi du travail en métier d'art. Ben oui. Ça marche pas toujours comme on veut, donc il y avait tout cet aspect-là qui était présent, et dans la salle, on sentait les gens, à chaque fois que la pièce se cassait, il y avait des exclamations « Oh! Oh! » Donc les gens vraiment étaient sensibles à ça, et à la fin, lorsque l'équipe réussit à souffler cette grande pièce-là, ben il y a la même chose, la sensation aussi du dépassement de soi qui est présente, et on sent la fierté des créateurs. Donc ça a été vraiment un de mes coups de cœur de la programmation de samedi. Mais il y avait vraiment une programmation qui était très variée. Il y avait le film Oh Willy, qui était un film d'animation totalement réalisé en textile, ce qui était assez impressionnant. Il y avait aussi Wooden People, qui a été en fait, qui a gagné cette année le Grand Prix des ateliers d'art de France. Donc, le film étant la plus belle consécration cinématographique des métiers d'art. Donc, c'est vraiment le Grand Prix de l'événement. Et Wooden People, en fait, c'est un film biélorusse qui présente un sculpteur qui vit dans une grande forêt, mais qui est vraiment isolé. Donc, ce sculpteur, qui est quand même assez déjà âgé, va sculpter un village en entier. Donc, tous les personnages qui ont des métiers, des vies, qui l'inventent. Et donc, on sent à la fois la solitude de cet homme-là, qui sent que les choses tout autour de lui commencent à se défaire, mais en même temps, qui cherche à créer tout cet univers-là autour de ses sculptures. C'était très touchant. Donc, ça, c'était l'édition de cette année qui a eu lieu, donc qui est terminée, puis qu'on n'aura pas l'occasion de revoir. Mais, pour que les gens le sachent, est-ce que l'an prochain, il y aura aussi une édition ou ça se passe aux 2 ans? En fait, c'est un événement qui est biennal. Donc, les films qu'on voyait cette année ici à Québec, c'est les films qui nous proviennent de l'édition de 2014 de Montpellier. OK, donc un an après. Exactement. En 2016, donc au mois d'avril 2016, va avoir la prochaine édition à Montpellier, et ce sera sans doute en 2017 qu'on pourra découvrir ce que cette année nous réserve comme film. Ou on va faire un tour en 2016 à Montpellier. Ça peut être une bonne chose aussi. Une belle place pour perdre son exactement. Temps. Exactement. C'est un excellent choix de voyage. Ben, Louane, merci beaucoup d'être passée chez nous. Ben, et merci. Puis, on se dit à la prochaine fois, puis à la prochaine chronique sur les métiers d'art qui font aussi partie du grand univers des arts. Exactement. Merci. Petite pause et au retour, ben, on va s'en aller tranquillement vers la fin. Alors, c'était Anthony Robert, qui était l'artiste invité de notre ami Simon Roy cette semaine. On est rendu presque à la fin de l'émission. Il me reste un petit 2 minutes. 1 minute, Maître Jacques, 1 minute et demie à peu près? 1 minute et demie, OK, oups. Alors, d'abord, une nouvelle qui est arrivée tout récemment au Centre d'artistes VU. Pascal Bureau, qui quitte son poste pour de nouveaux défis. En fait, elle va travailler quelque part dans un ministère proche de la culture. Je vous laisse deviner. Et elle sera remplacée par Jacinthe Carrier, qui va arriver à la coordination avec Anne-Marie Proulx. Donc, Jacinthe Carrier, une artiste en art visuel qu'on connaît bien et qui s'intéresse aussi beaucoup à la photo. Si vous avez vu son travail à Jacinthe, l'image est extrêmement présente dans son travail. Paryse Martin, qui a le plaisir de l'avoir croisé. Paryse, qui présente chez Michel Guimond à partir du dimanche 15 novembre. D'ailleurs, c'est le vernissage qui a lieu de 13h à 17h. Une exposition qui s'intitule La raison du mouvement. Donc, qui est présentée chez Michel Guimond jusqu'au 6 décembre. C'est le vernissage a lieu de 13h à 17h. Évidemment, en présence de Paryse. Appel de dossier à la Chambre blanche, programme d'échange entre Radar et la Chambre blanche. Donc, il y a des artistes québécois intéressés à soumettre leur dossier pour une résidence de 6 semaines en milieu rural à San Romano, qui est un petit village de la commune de Mercato San Saraceno en Italie. Alors, il suffit de présenter votre dossier, vous communiquer avec la Chambre blanche qui va donner toutes les explications et vous pourrez à ce moment-là... L'émission est terminée. Écoutez, c'était Jean-Pierre Guide. Excusez-moi de vous couper ça carré dans les oreilles. Et on se dit à la semaine prochaine, car je serai avec vous la semaine prochaine. Et on se laisse avec notre ami. Vous êtes bien chanceux d'avoir avec vous Pierre Blais et son émission sur le cinéma. Bye-bye, à la prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Le monde de la radio vous intéresse? Avez-vous déjà pensé en faire une carrière? Croyez-vous avoir les qualités requises? Le Collège Radio-Télévision de Québec fait une porte ouverte qui vous permettra de faire des essais en studio, en animation et en publicité. Vous pourrez discuter radio avec des animateurs et animatrices en ondes à Québec et vous pourrez rencontrer des enseignants et des élèves du Collège. Venez faire un tour le dimanche 15 novembre de 13h à 15h30 au Collège Radio-Télévision de Québec, 765 Côte d'Abraham à Québec. Informations à crtq.ca. Du 10 au 28 novembre, au Théâtre Périscope, découvrez Sauvageau Sauvageau avec Paul Savoie et Gabriel Zabot. Le Huffington Post, la mise en scène de Christian Lapointe offre un spectacle remuant et touchant. La presse, 4 étoiles, incandescent, la construction du spectacle est impeccable. Le Devoir, un regard impitoyable sur nos dérives sociétales. Sauvageau Sauvageau, une création du Théâtre Blanc et du Centre du Théâtre d'aujourd'hui. Réservé au théâtreperiscope.qc.ca ou au 418-529-2183. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanter dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. L'Orchestre symphonique de Québec est heureux de recevoir ce mercredi, et pour un soir seulement, le jeune et talentueux pianiste Pavel Kolesnikov, qui interprétera le concerto pour piano numéro 1 de Beethoven. Aussi au programme, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. C'est un rendez-vous ce mercredi 11 novembre au Grand Théâtre de Québec. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire ici de saison. Ici Gabriel Arcand, vous êtes à l'antenne de CKRLMF, le 89,1 à Québec. Cinéma qui n'était que du... Cinéma... qui n'était que du temps.